Judex d'Arthur Bernède, épisode 3e, La Meute Fantastique, chapitre 2e, Diana Morales et compagnie. Étendu, ou plutôt prostré sur un banc rustique, au fond d'une pièce voûtée, où le jour pénétrait par une sorte d'œil de bœuf hors de portée et garni de solides barreaux de fer, une jeune femme, dont le visage reflétait une expression de stupeur profonde, laissait errer autour d'elle un regard profondément douloureux. C'était Jacqueline Aubry, qui venait de reprendre connaissance. Ne saisissant pas bien, tout d'abord, la réalité, elle voulut se lever, se diriger vers une porte massive, à l'énorme serrure toute neuve et visiblement fermée du dehors. Mais elle n'en eut pas la force. Elle retomba sur le banc, et comme elle voulait appeler, sa voix s'étrangla dans sa gorge en proférant cette phrase qui se termina en un déchirant sanglot. « Je suis prisonnière. » Tout de suite, une question d'autant plus tragique qu'elle se sentait incapable d'y répondre se posa à son esprit. Pourquoi ? Se souvenant à présent de toutes les péripéties de son enlèvement, elle se demandait. Oui, pourquoi cette demoiselle Verdier, envers laquelle je n'ai jamais eu que de bons procédés, et qui elle-même ne m'a jamais témoigné que beaucoup de déférence et de sympathie, m'a-t-elle attirée dans un aussi odieux guet-apens ? Je suis pauvre, on ne peut donc rien espérer de moi. Je ne vois pas, je ne comprends pas. Mais bientôt un nom s'échappa de ses lèvres, Judex. Et la fille du banquier, envahie d'une torpeur irrésistible, se demandait si c'était lui qui m'avait fait conduire ici, si, poursuivant jusqu'au bout son œuvre de vengeance implacable, après avoir endormi ma défiance par l'envoi de ces deux pigeons et de cette lettre où il se déclarait mon protecteur, il avait pris l'institutrice de mon fils pour complice. Qui sait si ce n'est pas grâce à cette femme qu'il a pu frapper mon père ? Incapable de soupçonner César de Birargue d'une pareille félonie, s'exaltant à ses soupçons terribles qui n'étaient pas loin de devenir pour elle la plus atroce des certitudes, Jacqueline cherchait à reconstituer dans son cerveau enfiévré toute la suite des événements tragiques qu'elle venait de traverser. Ressuscitant en elle un tas de détails qu'elle avait jusqu'alors négligés, elle en arriva à conclure qu'elle était à son tour la victime de Judex et que Marie Verdier n'était que l'exécutrice des volontés de ce terrible et mystérieux personnage. De nouveau, elle trembla pour son enfant. « Mon petit Jean adoré » s'écria-t-elle, en un accès de navrant désespoir. « Ils vont me le prendre aussi, car je le sens. Rien ne pourra désarmer ce bourreau, rien. Pas même un innocent, pas même le regard d'un ange, pas même le sourire d'un enfant. Qui te défendra, mon chéri, contre les attaques de nos ennemis ? Que ne suis-je près de toi pour te protéger ? J'aurais dû te garder à mes côtés. Mon Dieu, c'est effroyable. Je ne croyais pas qu'il y eût au monde de pareilles souffrances. Pourquoi me les avoir imposées, à moi qui n'ai jamais fait le mal, à moi qui n'ai jamais été heureuse, à moi qui suis prête à sacrifier pour mon petit, mon dernier souffle de vie ? Oui, mon Dieu, si dans votre justice, vous avez décidé que moi aussi, je devais expier les fautes de mon père, frappez-moi sans pitié, mais que votre colère s'arrête là. Ne soyez pas aussi cruel que le Jéhovah des Juifs. Ne nous poursuivez pas jusque dans la troisième génération. Par pitié, épargnez mon enfant. » Et glissant à genoux sur le sol, la tête courbée, les mains jointes, elle pria de toutes les forces de son âme bouleversée, et jamais supplication plus ardente ne jaillit d'un cœur maternel. Mais une fièvre intense s'était emparée d'elle. Quand elle se releva, elle était toute frissonnante. La soif lui desséchait les lèvres. Sur une lourde table de bois, comme on en voit à la campagne, il y avait une carafe d'eau, et un verre, que la jeune femme n'avait pas encore remarqué. Elle but à large trait, avidement, quelques gorgées. Presque aussitôt, une détente bienfaisante se produisit en elle. Ses larmes se remirent à couler, en même temps qu'une torpeur de plus en plus envahissante la ramenait vers le banc où elle se laissa choir. Et brisée, meurtrie, mais calmée, apaisée, elle s'endormit en murmurant en un vague sourire fait d'un intuitif et inconscient espoir. « Mon Jeannot, mon bien-aimé !» Quelques instants après, la porte s'ouvrait sans bruit, laissant apercevoir la silhouette de Diana Monti et de Morales. « Elle dort !» fit celui-ci à voix basse. « Oui, » répliqua l'aventurière. « Elle n'est pas prête de se réveiller, car j'ai un peu forcé la dose. Mieux vaut qu'elle ne nous voit pas. Cela nous évitera des explications ennuyeuses. » Allons, tout va bien. D'ailleurs, ton ami a dû recevoir notre télégramme et ne saurait tarder. » Et elle ajouta, sarcastique, mauvaise, « Laissons cet ange reposer en paix. » Après avoir soigneusement refermé la porte du cabot, les deux complices regagnèrent le rez-de-chaussée d'une petite villa qui s'élevait à l'orée de la forêt de Chevilly, en Seine-et-Oise, un peu en retrait de la route si pittoresque qui va de Médan à Vernouillet. Suffisamment isolée, elle servait de retraite au couple de bandits qu'étaient Diana et Morales, chaque fois qu'à la suite d'aventures un peu trop corsées, il attirait sur lui l'attention de la police. Hâtons-nous de dire que grâce à leur audacieuse adresse, autant qu'aux précautions prises, ils avaient toujours réussi à échapper à toute recherche. Une fois au salon, meublé et décoré avec une élégance quelque peu tapageuse, et dont les larges fenêtres formant baie donnaient sur un jardin superficiellement entretenu, Diana s'installa dans un rocking chair et, allumant une cigarette, elle dit à son amant, qui, le front collé aux vitres, semblait guetter l'arrivée d'un personnage impatiemment attendu, « Tu m'as bien comprise, n'est-ce pas? Je puis compter sur toi. »« Oui, oui, c'est entendu. Mais ne crains-tu pas que notre ami ne trouve que nous allons un peu fort ?» L'ex-institutrice eut un haussement d'épaule méprisant et agacé. « Mon petit Mora, » lança-t-elle d'une voix mordante, « tu devrais savoir que je n'aime pas les trembleurs. Et si tu tiens à ce que nous restions bons amis, j'entends que tu sois un homme comme je te veux, c'est-à-dire prêt à tout risquer sans peur et à tout réaliser sans faiblesse. Diana, tu sais bien que je me ferais tuer pour toi. » S'écria Morales, qui s'était rapproché de sa maîtresse et voulut passionnément s'emparer de sa main. Mais celle-ci l'écarta d'un geste brusque. « Bas les pattes, » fit-elle. « En ce moment, il s'agit d'affaires sérieuses. As-tu bien retenu tout ce que je t'ai dit ? Je suis sûr que tu seras contente de moi. À la bonne heure. Une simple question, tu permets ? Parle. Une fois délivrée, la fille de ton banquier ne manquera pas de nous accuser. Et après ? Mais c'est très grave. Imbécile ! Ricana l'ex-institutrice. Nous avons de quoi nous défendre. Précise. D'abord, la lettre de César. Et je crois que ça compte. Puis, je te dirai cela si l'occasion s'en présente. Diana, Diana ! Scanda sourdement Morales effrayé. Jusqu'où veux-tu donc m'entraîner ? La Monty eut un sourire terrible. Mais elle n'eut pas le temps de répliquer. Une portière se soulevait, laissant apercevoir un singulier valet de chambre qui, sous sa livrée douteuse, dissimulait mal ses allures de bandit et qui annonça d'une voix grasseyante « Le v'là qui arrive !» En effet, une auto s'arrêtait devant la villa. « Va lui ouvrir et fais-le entrer tout de suite !» ordonna l'aventurière. « Bien, Dussèche !» accentua le hideux personnage qui disparut aussitôt. Quelques instants après, il introduisait César de Birague dans le salon de la villa. Le roi du Cotillon était visiblement ému. Non point qu'il regretta son geste aussi lâche que stupide. Dans l'enivrement de son désir, il n'avait pu mesurer encore toute la bassesse de sa conduite, mais il était inquiet, très inquiet sur la suite de l'aventure. Il se demandait s'il allait être éloquent pour convaincre et toucher la jeune femme, et si, devinant l'infâme comédie, elle n'allait pas l'accabler de son mépris. Mais il était trop tard pour reculer. D'ailleurs, le sourire de triomphe qui se dessinait sous les lèvres de la Monty et l'air nettement satisfait que s'était composé Morales le rassurèrent aussitôt. « Eh bien, cher ami, » fit César de Birague en embrassant galamment la main que lui tendait la belle Diana, « tout s'est bien passé, admirablement. Elle est ici, elle est ici. Elle ne se doute pas au moins que je suis d'accord avec vous. »« En rien, » affirmait Diana. L'affaire a été menée si rapidement que la chère enfant n'a même pas eu le temps de se reconnaître. En ce moment, elle dort paisiblement, en attendant que son prince charmant vienne la réveiller. Vous êtes non seulement des gens très habiles, mais aussi des amis très sûrs, remerciait sautement le beau César. Et prenant 5 billets de 1000 francs dans son portefeuille, il ajouta, voilà le reliquat de la somme convenue. Maintenant, conduisez-moi auprès de la belle. Un instant, fit Morales, stimulé par le regard expressif de sa maîtresse. « Pourquoi un instant ?» questionna vivement le jeune de Birague. « Les frais ont été plus considérables que je ne le pensais. » développait cyniquement le Rasta. « Ce n'est pas tout. Nous courons de grands risques. Nous avons dû nous assurer des complicités très coûteuses. Il me faut encore 10 000 francs, si vous voulez que je vous livre votre captive. »« 10 000 francs ?» répéta César, ahuri par cette complication imprévue. C'est apprendre à laisser, conclut froidement Morales. Monsieur de Birague eut un frémissement de rage. En une seconde, la lumière s'était faite dans son esprit. « Je suis roulé », se dit-il au comble de la rage. Puis tout haut, il reprit d'un air de dignité offensé. « Vous êtes de gredins ?»« Marquis. »« Oui, de gredins, et je vous donne 5 minutes pour remettre Jeanne Bertin en liberté. Sinon, je vais immédiatement porter une plainte au procureur de la République. »« Une plainte ? Contre qui ?» interrogeait ironiquement Diana. « Contre vous deux. »« Et ça ?» fit Morales, mettant sous les yeux de César la lettre que celui-ci avait si imprudemment adressée la veille. « Mon cher baron, comme convenu, je vous envoie 6 juin un chèque de 5 000 francs pour l'exécution de mes projets. Je vous remettrai par somme à la livraison. Très cordialement vôtre, César de Birague. » En relisant cette missive à laquelle, en l'écrivant, il n'avait accordé aucune importance, le jeune snob comprit l'effroyable guépier dans lequel il était tombé. Pâle de fureur, secoué d'une sorte de frisson nerveux, il eut un geste de menace comme pour se jeter à la gorge du baron de Pacotille, du rasta sans scrupule qu'il avait si impudemment floué. « Canaille » hurla-t-il, « tu vas me rendre cette lettre ou bien ?»« Viens la prendre !» riposta flegmatiquement Morales en sortant Browning de la poche de son veston. Puis il ajouta, conciliant, ironique, « Mon cher marquis, si vous ne voulez pas être inquiété vous-même, je vous engage à ne pas mêler la police à nos affaires. Si vous êtes à court d'argent, nous vous donnerons tout le temps nécessaire pour vous exécuter. N'avons-nous pas un otage ?»« C'est bien, » riposta César d'une voix sifflante. « Attendez-moi ici. Le temps d'aller à Paris d'en revenir, et je vous rapporte la somme. »« À la bonne heure, » ponctua Morales. Et Diana, qui avait appuyé sur le bouton d'une sonnette électrique, dit au valet de chambre de l'horrible silhouette apparaissait dans l'entrebâillement de la porte. « Crémard, reconduisez monsieur le marquis jusqu'à sa voiture. »« Diana, » fit Morales lorsque César eut disparu, « es-tu contente de moi ? Ai-je bien récité ma leçon ? Pas mal, pas mal du tout, » reconnut l'aventurière, qui, le regard perdu dans une mystérieuse et sombre rêverie, ajouta. « Décidément, je commence à croire que je ferai quelque chose du petit Morales. »